faut de tout pour faire un monde. Des fesses plates, des fesses rondes. Des gringalets, des baraqués. Des fronts jeunes et des fronts marqués. Des grandes bringues. Des petits joufflus. Des jambes lisses et des velues. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut les tagues, la Joconde. Les films corps et les doyons. BHL et François Villon. Il faut Beaubourg et l'Acropole. Le classique et le rock'n'roll. Il faut de tout pour faire un monde. L'Himalaya et la Gironde. Il faut l'aube et le crépuscule. L'éléphant et la libellule. Le potager et le chien dent. Le soleil et le mauvais temps. Il faut de tout pour faire un monde. Des gens qui rient, des gens qui grondent. Des pantouflards, des agités. Des craintifs et des culottés. Des gros balourds. Des petits malins. Des coups de gueule et des câlins. Il faut de tout pour faire un monde. La bière brune, la bière blonde. Le couscous et la paella. La verveine et la tequila. Des I love you, des tiamo. Des vainés et des saumons. Il faut de tout pour faire un monde. Des idées simples et des profondes. Des Kennedy, des Gorbatchev. Des sportifs et des philosophes. Des mécréants et des curés. Les heures de classe et la récré.